mardi 9 avril, bienvenue à l'aérospatiale. Julie Gagné avec vous pour cette belle heure consacrée aux arts visuels. Aujourd'hui à l'émission, on discute avec Valérie Blas au sujet de sa résidence à la Chambre Blanche, le manipulateur manipulé. Anouk Desloges est allée faire un tour au Musée national des Beaux-Arts pour la nuit de la création qui avait lieu vendredi dernier. Également, elle a vu l'exposition Sentier, un parcours qui est destiné aux jeunes enfants. Natalia Petkova vient nous parler de son exposition Patagraphie qui est présentée à la Galerie des Arts Visuels jusqu'au 5 mai. Raymond Poirier viendra nous faire sa revue de presse et Simon Roy nous a fait une sélection audio. Bonjour Simon. Bonjour Julie. Ça va bien? Oui, je me remets tranquillement du radioton. Oui, c'est un beau radioton quand même. On a atteint notre objectif et au-delà, on en est bien content. Ben oui, c'était vraiment une belle fin de semaine de radio. Je sais pas si les auditeurs étaient là, mais vraiment une fin de semaine vraiment trippante. Voilà, donc un beau rush d'une fin de semaine. Simon, qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui? Un peu de collage audio pour aujourd'hui. C'est un artiste new-yorkais du nom de Don Trust. Ça, c'est son nom d'artiste. Son vrai nom, c'est Brian Gibson. Son album s'intitule Tron Dust. Donc, il s'amuse toujours à faire un peu des jeux de mots avec son nom pour ses titres d'albums. Donc, collage audio, il y a vraiment un peu de tout. L'artiste joue beaucoup avec la voix. Parfois, ça peut... Dans la même pièce, ça peut sonner folk, blues, country, ça peut être classique, il y a des touches de hip-hop au travers de ça. La plupart des pièces sont assez joyeuses et mélancoliques en même temps. C'est vraiment un beau mélange de toutes sortes d'influences vraiment diverses qui sont dans les mêmes pièces. C'est une belle découverte cette semaine. Eh bien, merci Simon. Ben, fait plaisir. Donc, on écoute Simon Roy à Web Music le dimanche à 21h. On s'en va en pause. Tout de suite, on écoute I Will. Au retour, on discute avec Raymond Poirier. Raymond, bonjour. Bonjour Julie. Ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Et là, tu nous... ben vas-y, je te lance. Ben oui, pourquoi pas. En fait, on se lance avec notre petite revue de presse, en vous rappelant évidemment que les articles et les hyperliens sont disponibles sur le web, l'aérospatiale.wordpress.com, et également vous trouvez les différents extraits musicaux proposés par Simon Roy au fil de l'émission. Alors, notamment, qu'est-ce qui ressort cette semaine? Eh bien, on parle de première ovation qui a annoncé les récipiendaires de ces bourses de soutien à leur élève artistique. Alors, toujours intéressant de voir un peu les projets qui sont soutenus, et évidemment, parce que dans la majorité des cas, voire la totalité des cas, ben, c'est des éléments qu'on va voir arriver sur la programmation des différentes galeries. Alors, notamment, on peut penser à Pierre et Marie, bourse de création et production. Donc, Pierre et Marie, Guillaume Dessire également avec un projet qui s'appelle Chernoland. On a un projet qui s'appelle Les Poissons volants, parrainé par Avatar de Valérie Potvin. Jeffrey Poirier avec un projet à l'œil de poisson. Elias Jemil également avec un projet qui s'appelle Mémoire de porcelaine. Sinon, des aides à la publication également, c'est Julie Picard qui a eu pour un projet Mettre sur papier. Bourse de soutien à la diffusion de projets également, collectif Acapulco, avec un projet qui s'appelle Le Chantier, qui est parrainé par X Muro, et également Alexis Dégagné, avec un projet qui s'appelle Le Cabaret de Jackie, ça, ce serait du côté de Vue. Hugo Nadeau, il y aura un projet qui serait parrainé au lieu également. Et sinon, ben, des initiatives originales liées à la diffusion indépendante, un projet au Cercle Père Escarrier-Chouinard, et un autre de Marie-Claude Gendron à la Chambre Blanche. dimanche. Alors voilà, félicitations à tout le monde. Effectivement, ce sera toujours intéressant de voir et qu'est-ce qui va en ressortir. Oui, c'est ça, ça c'est dans notre pile encore. Hein. Et parallèlement, ben, autre élément qu'on suit, on a vu il y a quelques semaines un dossier dans le Soleil sur justement la fréquentation des institutions muséales à Québec. Maintenant, on a eu cette semaine en fait les statistiques officielles pour la fréquentation des institutions muséales au Québec, les statistiques de l'Observatoire de la culture et des communications du Québec qui voit notamment une hausse globale de la fréquentation des musées entre 2011 et 2012. On parle d'une hausse de 6%. C'est quand même pas négligeable. Donc, de manière générale, les musées ont reçu 13,4 millions de visiteurs. Donc, tout style confondu, tout univers confondu. Et ce qu'on dit, c'est en fait une légère hausse. C'est la première hausse, d'ailleurs, depuis 4 ans, dans la mesure où il y avait eu un sommet, on en parle beaucoup, en 2008, avec le 400e anniversaire de Québec. Eh bien là, tranquillement, on reconstruit ce public-là. On essaie de comprendre aussi, on essaie de voir pourquoi, justement, il y a cette hausse-là. Et ce qu'on dit, ce serait peut-être notamment à travers les activités ex-muraux des musées, donc les institutions muséales qui, de plus en plus, sortent du contexte muséal, vont chercher d'autres publics. Et donc, c'est ces publics-là qui représentent une bonne partie de cette hausse-là. Donc, on dit, ben, regardez, c'est une hausse artificielle, entre guillemets, dans la mesure où c'est pas lié avec les activités traditionnelles. Moi, j'y vois quelque chose d'assez positif, où, justement, on développe de nouvelles activités, ben oui, de nouvelles traditions, entre guillemets. Et ben justement, on est en mesure de voir des effets positifs à ça, puisqu'il y a des nouveaux publics qui viennent donc vers les activités proposées par les institutions. Espérons que la tendance se maintienne. Effectivement, espérons-le. Et parallèlement, ce qu'on mentionne aussi, c'est qu'il y a un beau maintien du côté de l'offre scolaire, collégiale et secondaire, notamment du côté des institutions muséales également. Autre dossier qu'on suit de manière sporadique, c'est toutes les questions par rapport au statut de l'artiste. Évidemment, en art visuel, ça reste un sujet assez probant, surtout si l'on se rappelle les enquêtes salariales qui sont pas toujours très roses, si on peut dire, pour les conditions de vie des artistes. Et donc là, ce qui a été publié tout récemment, c'est un des travaux du ministère de la Culture et des Communications. Donc, une étude assez attendue sur les modèles liés aux travailleurs indépendants. Donc, essayer de voir de quelle manière les artistes sont traités dans différents pays, pour voir qu'est-ce qui pourrait être fait au Québec pour renforcer un peu leur statut, d'une certaine façon, mais pas leur statut au niveau de travailleur autonome, mais simplement leur capacité aussi à s'assurer une certaine retraite, à mettre de l'argent de côté, des choses comme ça, donc dans le contexte social qu'on connaît actuellement. D'ailleurs, un des éléments qui ressort, une des propositions, c'est cette idée là qu'il y a une intervention accrue de l'État pour doter de protection les artistes qui n'en ont pas, donc assurance et autres, pour améliorer la protection de ceux qui en bénéficient déjà. Parallèlement, l'idée aussi d'amener et de prévoir dans les contrats qui seraient avec les diffuseurs, donc les contrats qui seraient peut-être éventuellement négociés de manière collective plutôt qu'individuelle, ben de mettre justement un peu à la manière des artistes de la scène qui ont déjà donc des montants qui sont mis à donc des fonds qui assurent donc des frais au niveau d'invalidité, des revenus au niveau de certaines conditions, retraite et autres aussi. Donc un syndicat un peu informel, si on peut dire, ou formel. Eh ben on dit, est-ce qu'on peut faire la même chose du côté des artistes visuels et demander aux diffuseurs qui reçoivent une exposition ou dans la notion d'autres types de droits, ben d'intégrer ce type de versement-là entre autres choses. Et parallèlement, ce qu'on dit, c'est aussi, ben il y a toute la question de revenus, dans la mesure où si les artistes sont pas nécessairement en mesure d'avoir ce type de protection-là et de se la donner eux-mêmes, c'est peut-être aussi parce qu'ils gagnent pas assez. Donc, des belles réflexions en cours. Évidemment, c'est consultatif et c'est des recommandations. On verra maintenant comment le rapport recevant les recommandations recevra tout ça. Il y aura une belle suite. Alors, sinon, on termine avec deux petites vites côté international, notamment le Louvre qui a un nouveau président. Il s'agit de Jean-Luc Martinez, qui était actuellement le directeur du département des antiquités grecques et étrusques et romaines au Louvre. Alors, il a été nommé président du conseil des ministres de ce célèbre musée parisien. Reste à voir quelle griffe il donnera au musée, mais on en parle beaucoup dans la presse internationale. Il y a un autre dossier qui a beaucoup retenu l'attention dans la presse internationale, c'est le retrait par le groupe muséal Tate, jeudi dernier, retrait de sa collection en ligne de plus de 30 épreuves de l'artiste Graham Hovenden. Pourquoi? Ben parce qu'il a été condamné pour délit sexuel sur les enfants. Alors l'artiste de 70 ans a été trouvé coupable mardi d'accusation d'indécence avec enfants et autres. Et ben justement, les œuvres qui étaient exposées, qui étaient disponibles dans la collection du Tate, il y en avait 34 qui comprenaient des images de jeunes filles nues. Alors, bon, d'un côté pour la condamnation de l'artiste, de l'autre côté pour le contenu, surtout qu'en plus l'accusation portait aussi sur les relations qu'il y avait avec ces jeunes modèles. Donc bref, on a préféré retirer l'ensemble des œuvres de cet artiste-là. Ah voilà, ça a beaucoup aussi fait parler dans la presse internationale. D'ailleurs, si vous avez une opinion à ce sujet-là, vous allez visiter notre site l'aérospatiale.wordpress.com, question de commenter sur le sujet également. Ben, toute l'émission est disponible en balado diffusion, les liens pour la revue de presse, pour le téléchargement des pièces de Simon Roy. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Vendredi, t'animes une émission spéciale. Oui, de la vie en BD. Enfin, on va être en direct du Salon du Livre de 17h à 18h30, alors des rencontres avec des auteurs d'ici et d'ailleurs. Voilà, on s'en va en pause audio. On écoute Don't Trust avec la pièce What Is. Là, c'était un extrait de l'album Tron Dust de Don't Trust, toujours à l'aérospatiale. J'accueille à présent Natalia Petkova qui présente Patagraphie à la Galerie des Arts Visuels. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Dis-moi, Natalia, est-ce que c'est possible de me présenter l'exposition de manière générale, de dire un peu qu'est-ce que c'est? Tout à fait, tout à fait. C'est pour cette exposition que la Galerie d'Arts Visuels accueille. Elle contient deux nouveaux projets qui sont vraiment vraiment très très très très chauds, disons, sortis du four, qui sont Les deux projets en une, c'est La Mariée mise à nu par ses pixels mêmes. Donc c'est ça, commençons par le titre. Patagraphie, qui fait un peu référence au terme pataphysique introduit par l'écrivain Alfred Jarry fin 19e siècle, et donc qui contient cette exposition contient deux œuvres, comme je disais, toutes neuves, 2013, qui s'approche vraiment plusieurs médiums, autant l'art sonore que le vidéo, un peu l'installation in situ, performance in situ aussi. Oui, c'est ça. Voilà. C'est quelque chose que je remarquais, là. C'est vraiment, bon, t'as dû, dans les deux cas, faire un travail très performatif, mais qui n'est pas nécessairement... dont ce qu'on voit dans la galerie n'est pas la documentation, là. Oui, tout à fait. C'est une étape, exactement. C'est une étape de. Il y a un peu de documentation de la performance qui a été faite dans le cadre d'un des œuvres qui s'appelle notamment La Mariée mise à nu par le binaire même. Un peu référence drôle envers l'œuvre connue de Marcel Duchamp. Il s'agit d'une performance qui a été effectuée in situ dans la galerie pendant l'installation, pendant qu'il n'y avait absolument personne. Donc, ce que le public voit à partir du 20 jusqu'à la fin de l'expo, c'est l'archive de cette performance-là, qui fait partie de l'expo, dans le cadre de la deuxième œuvre qui s'appelle La mariée mise à nu par les pixels cette fois. Il s'agit d'une performance qui a été faite à l'intimité de ma propre maison. Donc c'est encore une archive de performance, mais fait cette fois chez moi. Mais bon, il y a l'idée de l'archive de performance, mais si oui. On y voit justement la mariée mise à nu avec les pixels, on te voit sur deux images. Hein? Mm-hmm. Il y en a mm-hmm. une, tu t'es mis un tissu très, très dense, d'ailleurs, oui. Qui est sur une tablette dans l'exposition. Mm-hmm. Puis, à côté, on voit ton visage, on voit les traces de ça. Combien de temps ça t'a pris faire tout ça? Parce qu'avec le tissu, là, on se dit, elle se met vraiment à l'épreuve. Là. Oui, tout à fait. C'est un peu éprouvant physiquement. Ça prend pas si longtemps que ça, mais étant donné la nature de l'expérience, ça a l'air vraiment longtemps, parce que dans la fabrication même de la cagoule, ce que j'appelle la cagoule finalement, c'est compris qu'elle est vraiment vraiment très serrée, donc du coup les traces qui se forment sur le visage se forment assez rapidement, mais la performance même dans sa durée puis dans son caractère physique est très difficile parce que elle laisse très peu place à la respiration, au sentiment quotidien de comment on se sent par rapport à notre visage, quoi. Mais ça aussi, hein, tu parles d'épreuves, j'ai parlé d'épreuves physiques, mais j'ai senti parce que de ça, tu as pris les pixels mm-hmm. des deux images que tu as transposées en lettres, c'est ça, puis que tu as mis dans exactement. Deux livres. Oui, exactement. Donc, c'est pas mal la ligne directrice des deux œuvres qui sont présentes. Il y a une espèce de processus de traduction d'un médium vers un autre. Donc, dans le cas de ce vidéo-là, j'avais pris les valeurs colorimétriques, c'est-à-dire les valeurs des couleurs de chaque pixel. Et chaque pixel, dépendant de la couleur, est traduit à une lettre, ce qui donne une suite de lettres vraiment, vraiment très, très longue pour la durée de la performance qui est 30 minutes. Donc, pour ce qui est le livre, moi, j'avais pris juste une seconde de vidéo, ce qui a donné autour de 300 pages de livres et de suite de lettres. Ça, c'était la traduction textuelle de l'œuvre. Puis, la prochaine étape pour finir cette œuvre-là, en fait, le dernier segment. Pour l'amener dans une autre discipline. Oui, dans une autre dimension aussi, c'était d'enregistrer la lecture d'un extrait de chacun des livres, finalement. Donc, ça devient une œuvre sonore qui est aussi présentée sur un des murs de la Donc, galerie. Donc, dans deux, je veux dire, des speakers, parce des speakers, que j'ai pas oui. des haut-parleurs, voilà, je cherchais le terme en français. Oui. On m'a dit, t'as fait combien hein, par rapport au livre à lire comme ça, ces lettres-là? La lecture, c'est juste une page. Comme ça, ça n'a pas l'air énorme, mais c'est vraiment long parce qu'une page contient énormément de lettres. Oui, parce que c'est très, très petit. Là, c'est ça très, prend très un petit. Look pour qu'on voit. Là. Exactement, c'est très, très petit. Et la lecture même, ça prend autour de 30 minutes, ce qui est vraiment très bien tombé pour moi parce que du coup, ça fait référence à la durée de la performance elle-même. Donc, ça a bien tombé. Ça fait vraiment une boucle. On m'a dit à la galerie oui. que tu as eu de la difficulté par la suite à parler parce qu'encore là, ça avait été difficile de faire des lettres comme ça. Oui, ceci dit, quand on pense pixel et la traduction de pixel par un programme fait à la maison, souvent on peut avoir une lignée de lettres qui est par exemple trois lignes vraiment très longues, juste de K. Donc pendant 10 minutes, tu prends juste un K. Donc finalement, il y a une espèce de... ta gorge est tellement, tellement épuisée que tu n'es plus capable de parler. Mais c'est vraiment de l'endurance, là, carrément. C'est de l'endurance. Là. Puis d'ailleurs, parlant d'endurance, ça m'amène à parler de l'autre œuvre qui est La mariée mise à nu par le binaire. Encore là, tu as fait une performance avec des blocs de plâtre que tu... sur lesquels tu frappes avec une massue. Mm-hmm. Ça aussi, là, on est encore dans la mise à l'épreuve du corps. Oui. Mais ceci dit, moi, je trouve ça très, très curieux, cette exposition-là, parce que tout le long, pendant la création de ces œuvres-là, c'est-à-dire les derniers 2-3 mois, mon but, c'était absolument pas d'aller faire une épreuve physique comme ça. C'était absolument pas dans mon idée. Puis finalement, j'ai fini avec deux œuvres tout à fait épuisantes sur différents niveaux physiques. Mais voilà, c'est curieux de voir le résultat. C'est curieux de voir aussi les commentaires des gens qui disent « Mais comment t'as fait ?» J'ai aucune idée. c'était pas mon intention. Ça a fini comme ça. Mais pour revenir sur ta question, pour l'œuvre « La mariée mise à nu par le binaire même », oui, notamment. Puis ça, c'est à peu près... cette œuvre-là a été créée à peu près avec le même processus qu'à l'autre. C'est-à-dire, c'est une œuvre qui contient plusieurs segments. Dans ce cas-là, ça commence par la fabrication de 3 moules en plâtre que je détruis dans une performance vidéo que tu as vue, qui est fatigante, effectivement. Puis après ça, que j'utilise ce tas de détruits de plâtre, finalement, de morceaux absolument irréguliers de plâtre pour produire le prochain segment qui va être audiovisuel, finalement, un vidéo créé avec... d'un côté la texture du plâtre détruit et d'autre côté une machine qui va me faire lire cette texture de plâtre détruit. Ah voilà, donc c'est ça là, parce que la machine aussi, parce que bon, tu lis la texture, mais la machine que t'as créé, mm-hmm. bon là tu l'as un peu là, sur le bord de la bouche, ça s'attire un peu ton visage, c'est un peu horrifiant là. On pense toujours à des scènes de cinéma d'horreur entre autres, j'imagine que c'est pas le but, mais ça te fait faire des mouvements incontrôlé, oui. Aussi, oui. Le fait que là, ça ajoute comme une autre difficulté, puis on est encore une fois dans une autre transformation. Oui, tout à fait, on tombe encore dans un physique qui est différent, une épreuve physique différente. Donc, voilà, j'aimerais ça expliquer cette suite-là, parce que c'est pas forcément évident dans la galerie, même si tous les éléments sont présents, finalement, ce qui arrive, c'est que cette machine-là, je l'ai conçue pour que elle puisse, par sa force mécanique, me rendre un haut-parleur. C'est-à-dire, elle puisse, amplifier tes sons. Oui, pas seulement amplifier ma son, parce que c'est moi qui fais les sons, mais positionner ma bouche de manière que je puisse prononcer le son qui devrait être prononcé par rapport à la texture de morceaux de plâtre qui étaient détruits. Il y a quand même, c'est un peu mécanique, mais c'est pas 100% mécanique, parce qu'il y a quand même un mélange entre mon corps qui est tout le temps subjectif. Je suis en train, de tomber, de saliver, ma bouche glisse, je prononce des sons irréguliers ou qui sont pas conscients. Puis d'un autre côté, la machine qui est complètement constante, puis tout ce qu'elle fait, c'est lire des données binaires, puis calculer, elle se positionne où par rapport à ça. Donc il y a comme un mélange qui se fait, une même machine un peu voilà, qu'on peut voir la dans la galerie. La machine physique, la machine corporelle. Oui. Dans les deux installations, les deux œuvres, disons, pas les installations, t'as vraiment pris soin de mettre la cagoule, t'as pris soin de mettre aussi la machine. Pour toi, est-ce qu'elles agissent un peu comme des traces, comme des artefacts, ou ça devient des œuvres? Ça agit comme un tout, je pense, parce que l'un sert aucun des segments, peut-être quelques-uns, mais la majorité des segments qui sont présentés, s'ils sont présentés tout seuls, ils font aucun sens, ou très peu de sens finalement. Donc pour moi, ça agit vraiment comme une totalité. J'ai besoin de présenter cet élément-là pour compléter l'histoire de l'œuvre. Ceci dit, pas tous les éléments sont présentés, parce que déjà dans la création et dans les performances que j'ai effectuées sur place, il y en avait plusieurs qui sont ça, des circuits audio, de la technologie audio et vidéo, des ordinateurs, etc., etc., que finalement, je vois pas le but de présenter, parce que c'est compris, c'est sous-entendu finalement. Ouais. Mais ce qui est essentiel pour l'œuvre, pour que l'œuvre en fait devienne une œuvre, c'est la combinaison de ces éléments qui sont présentés là. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, on n'en a pas parlé encore, mais dans les deux titres, tu fais référence justement à La mariée mise à nu par ses célibataires de Marcel Duchamp. Mm-hmm. C'est une influence pour toi? Pourquoi y référer? Tout à fait, c'est une influence, surtout une influence très très récente par rapport à cette exposition-là. J'ai beaucoup lu sur lui, surtout sur ses recherches et son point de vue par rapport aux sciences générales, et c'est là où ça fait un peu référence aussi à mon titre. Je vais juste brièvement expliquer ce que ça veut dire le titre, puis je pense que on va comprendre rapidement pourquoi ça fait référence à Marcel Duchamp aussi. Donc, pataphysique ou patagraphie dans mon cas, c'est une espèce de science qui va à l'encontre de la science générale qui finalement vise à généraliser les lois, c'est-à-dire à trouver une explication commune des phénomènes, tandis que la pataphysique, elle cherche à trouver pas des explications, mais à mettre en avant justement les exceptions. Donc, elle vise des cas exceptionnels. Puis Marcel Duchamp, dans son travail, surtout beaucoup dans son travail, justement, La mariée mise à nu par ses célibataires même, qui m'a inspiré pour les titres aussi des œuvres, il a fait énormément de recherches scientifiques et surtout des sciences qui sont un peu mises à l'écart, qui sont un peu moins connues, notamment la géométrie quatridimensionnelle, les théories de Poincaré, etc., etc. Donc c'est son point de vue un peu pas à l'écart, mais un peu plus différent que et son effort aussi d'emmener la science dans les arts visuels qui à cette époque-là était tout à fait inhabituel. C'est ça qui m'a vraiment intéressé. Oui. Puis effectivement, c'est ce qu'on connaît peut-être de manière générale un peu moins aussi de Marcel Duchamp, qu'on retient bon comme étant le père de l'art conceptuel, qu'on pense à ses ready-made, à la Joconde et tout ça, alors qu'il y avait une pratique très très très fouillée finalement. Oui, absolument. Puis c'est ça qui le rend très intéressant finalement comme artiste, qui essayait vraiment d'amener dans les arts visuels des éléments qui étaient absolument inhabituels, autant la science que ce que tu viens de mentionner finalement. Peut-être une dernière question en terminant. J'ai parlé beaucoup de transformation, en fait, bon, tu sais, d'un médium à l'autre. Toi, tu parlais de traduction. Ça semble être quand même très important, ça, pour toi, dans ta démarche, hein, de manière générale. Oui, je dirais ça. Je pense que ça s'aligne aussi un peu par rapport à ma vie, à ma expérience personnelle, c'est sûr. C'est aussi important par rapport à ma vie personnelle que vraiment de manière technique. C'est-à-dire quand je donne un exemple très très technique de période de production, quand tu travailles par exemple en art électronique ou en programmation, simplement de travailler de programme en programme, tu utilises différents termes, tu utilises différents mots, donc quand j'essayais de faire ma machine qui inclut plusieurs éléments différents, qui travaillent à différents programmes avec je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais justement lier différents matériaux techniques de différentes natures exige une certaine traduction technique, ce qui m'a juste donné occasion à penser à ça, puis à me rendre compte de ces phénomènes qui nous arrivent à tous. Voilà. Ouais. Natalia Petkova, merci beaucoup. Merci. Alors, Patagraphie est présentée à la Galerie des Arts Visuels jusqu'au 5 mai. On s'en va en pause et retour. On discute avec Anouk Desloges. La Barberie est heureuse de souligner à sa façon les 40 ans de CKRL. Écoutez, mes bons amis, la chanson que je vais vous chanter, c'est à propos du radio, je vais tout vous raconter. En 1973, dans une université, il y a des petits jeunes qui ont pensé que le radio, c'est une bonne idée. À cette heure, en 2013, est arrivé à maturité, c'est une belle grande radio qui fait toujours notre fierté. La Barberie est fière complice de CKRL depuis 15 ans. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Lebaldulezard.com. Vous aimez la BD? Vous voulez la découvrir? Venez profiter du 26e Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Exposition, animation. Une riche programmation consacrée au 9e art fera vibrer plusieurs lieux culturels de la capitale du 10 au 14 avril. Projection. Venez rencontrer les nombreux auteurs présents et découvrir des talents du Québec et d'ailleurs. Impro BD et soirées animées. Célébrez le 9e art avec nous. Informez-vous sur fbdfq.com. Aimez-vous les sujets suivants? Le cinéma, la musique, les jeux vidéo, les animés, les séries télé, les mangas, l'internet en général, les gadgets techno, les dragons, les ninjas, les lasers, les pieuvres, les ninjas chevauchant des dragons pieuvres armés de lasers. Eh bien, réjouissez-vous! Les Geeks Contre-Attaque aiment aussi beaucoup ces sujets. Ils les aiment tellement qu'ils vous en parlent tous les dimanches de midi à 13h. Une heure de culture geek, d'actualité pertinente et de sens de l'humour questionnable seulement sur les ondes de CKRL 89.1. Quoi demander de plus? Hein? On peut demander quoi de plus? Ce soir à CKRL, de 22h à minuit, c'est l'émission Fréquence, le rock de A à Z des années 60 à aujourd'hui, animé par François Thériault et Martin Anger. Et à minuit, c'est Federation Invasion, le dance hall new-yorkais au sommet. Bonne soirée sur le 89.1. Oh. Lucille, vous écoutez toujours l'aérospatiale. Julie Gagné avec vous pour cette deuxième et dernière de demi-heure de l'émission. Je vous disais juste avant la pause qu'on discutait avec Anouk Desloges. Ben voilà, elle est là devant moi. Bonjour. Bonsoir Julie. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Tu me contredis, hein? Moi je dis bonjour, toi tu dis bonsoir. Ben en fait, ouais. Ouais, c'est ça, à partir de 6h, c'est le soir. Exactement. Anouk, t'es allée faire un tour à la nuit de la création, c'était vendredi dernier, je crois. Exactement, c'était la 5e édition Musée national des beaux-arts du Québec. C'était une nuit seulement, donc inutile de vous présenter après tout ce que je vais vous dire, mais mettez-la à votre agenda pour l'année prochaine. Donc, cette année, le thème, c'était les cinq sens, puis l'artiste multidisciplinaire Claudie Gagnon en était la marraine d'honneur, donc ça promettait beaucoup. Et puis, une petite historique de comment ça se passe là-bas, ben, le Musée national des beaux-arts du Québec a trouvé une façon de partir à la conquête d'un public de jeunes adultes. Ces jeunes adultes ont tendance à délaisser les expositions d'art, mais ils se lancent plutôt dans l'événementiel. Ouais. C'est aussi une façon de tisser des liens avec l'Université Laval et le musée, puis briser l'isolement. On parle d'une institution, de musée, mais c'est quand même isolé quand on compare avec le dynamisme universitaire. On sait comment les étudiants, comment créatifs et actifs ils sont. Donc, de mettre les deux ensemble, le musée et les étudiants. C'est aussi une rencontre interdisciplinaire avec la faculté des lettres, de musique, des arts visuels, dramatiques. Donc, c'était une panoplie de gens qui travaillaient ensemble ou côte à côte, que je pourrais dire. Puis c'est un événement qui témoigne de la vivacité de création, comme j'ai dit, de l'université. Donc, imaginez-vous, au musée, plus d'une centaine d'artistes, il y a 34 lieux qui sont investis dans le musée, trois pavillons, c'est énorme, je suis arrivée assez tard, mais le musée était rempli, on faisait des fois la queue, on était pris des fois dans des salles, c'était vraiment bondé de monde, super, ouais. Qu'est-ce qu'on y trouve là-bas? Il y avait une tonne de performances, installations, la musique, les arts visuels, lecture publique, atelier de théâtre, peinture en direct, bref, tout ce qui se trouve à l'Université Laval, qui est aussi, on parle de recherche à l'université, surtout scientifique, mais il y a aussi de la recherche dans la création, oui. Puis c'est l'occasion aussi, dans ces moments-là, de montrer les recherches dans des choses très expérimentales qui ne sont pas nécessairement des œuvres finies ou terminées, abouties, mais vraiment en pleine exploration, puis d'amener le public à jouer dans leur recherche. Donc, il y a vraiment le plaisir de sens, comme on parlait des cinq sens. Écouter, sentir, vouloir goûter, voir, c'était tantôt très sérieux, tantôt très ludique, très festif pour amener le public. Donc, c'est surtout c'est très participatif, événementiel, c'est une façon inédite pour le musée de faire vivre ses collections aussi, parce qu'on a accès aux œuvres qui, parfois, ont une corrélation directe avec l'activité. Donc, on peut contempler les œuvres du musée et vivre l'expérience. Ouais, fait qu'il y a vraiment comme un dialogue finalement là, entre les créateurs puis les œuvres. Des fois oui, des fois c'est très clair. En fait, des fois on a vraiment l'impression que l'œuvre a rapport avec la salle ou l'œuvre à côté, mais des fois c'est vraiment juste un lieu là, ça prend n'importe où, mais bon, je vais vous en décrire quelques-uns parce que c'est extrêmement sûrement pas la centaine qu'il y avait. Non, c'est ça. Non, mais c'est sûr qu'en fait qu'on voit, puis aussi je dirais que il y en a tellement que souvent, c'est même pas écrit. Qu'est-ce qu'on voit? C'est qui? Donc, je m'excuse si j'oublie les noms des artistes. Là, je me lance anonymement pour les artistes. Ben, je vais lancer l'invitation à Anouk. Si un artiste reconnaît sa démarche ou son travail, il peut écrire sur le site l'aérospatiale.wordpress.com pour s'identifier. Donc, nos auditeurs pourront faire le lien. Oui, absolument, parce que il y avait tellement de monde. Bon. Donc, première chose, un connu, l'Autocar des arts visuels qui suit tout ce qui se passe, toutes les activités. Leur projet, ça s'appelait La Nuit s'expose. C'était un atelier de photographie à l'extérieur. Il y avait les participants qui étaient invités à se déplacer avec des objets lumineux. Et puis, avec l'appareil photo qui est ajusté de manière à permettre un long temps d'exposition, mais chaque mouvement des participants entraînait des tracés lumineux. Donc, les gens pouvaient écrire, dessiner. Puis là-dessus, il y avait des photos qui étaient prises à longue exposition. Donc, ça faisait vraiment des fils lumineux. Mon double hall d'entrée, il y a des spectacles de toutes sortes. Quintette de cuivre, des invités surprises à la pop jusqu'au classique. C'était vraiment, on était accueillis par ça. Et puis, dans d'autres salles, par exemple, l'auditorium, Il y avait une multitude d'activités. Il y en a un que j'ai qui m'a intéressé particulièrement. C'est très bonbon, là, ça fait plaisir. Puis on est à l'intérieur, mais on regarde à l'extérieur. Il y avait plusieurs cuistots, des cuisinières qui s'affairaient en train de reconstruire un corps humain avec de la nourriture, mais au complet, les couches et les sous-couches. Donc il y avait les veines qui étaient faites en réglisse. Il y avait les côtes en banane. Ensuite de ça, il y avait des tripes faites avec des saucisses. On recollait la peau avec une espèce de pâte. On prenait du pinceau pour faire. On rajoutait j'imagine, de la confiture pour faire le sang. Donc, c'était vraiment toute la soirée. Il était à l'extérieur en train de se les geler pour faire ça. Nous, on regardait ça. Puis toi, t'es arrivé à quel moment? C'était pas mal à la fin où il y avait des jambes de recouvertes, mais on voyait encore les tripes. OK, qu'ils n'ont pas toutes... C'est ça, la manière dont ils ont fonctionné. Là, ils ont essayé de faire durer, j'imagine, le plaisir un peu. Là. Exactement, oui, puis c'est grandeur nature. Ça faisait plaisir, là, vraiment, de voir ça. Ensuite de ça, il y avait un autre, on pouvait dessiner sur des toiles de grands maîtres. Les images étaient projetées au mur. Puis nous, on pouvait dessiner sur une feuille blanche avec un crayon de feuille qui avait, par un système informatique quelconque, projeté ce qu'on dessinait sur les grands maîtres, donc on pouvait les faire parler, les dessiner, peu importe. Il y avait aussi des collages collectifs avec des images d'œuvres. Les œuvres, est-ce qu'ils faisaient partie de la collection ou est-ce que c'était des grands maîtres? Bon, il y avait une tonne de papier qu'on pouvait coller. À différents étages, ça changeait de discipline. Ben, c'était tout mélangé, mais quand même, on sentait vraiment des en bas. Ça. Oui, c'est ça, en bas. Il y avait super art visuel, après ça, musique, après ça, art dramatique. Donc, quand on montait d'étage, on s'est remancé devant un jukebox vivant. Donc, il y avait un musicien qui jouait des chansons populaires. Quand je suis arrivée, c'était Julie Descola qui jouait. Donc, ça faisait vraiment ambiance de fête. Ensuite, dans une autre salle, il y avait une prestation de guitare classique. Je l'ai noté, je l'ai retrouvée dans le pamphlet, qui s'appelait Guitare du Nord, Musique du Sud de Madeleine Jacob, entourée de collections permanentes du musée Tradition et Modernité au Québec. Là, je trouvais vraiment qu'il y avait un lien parce que il y avait des portraits, des vieux portraits qui nous regardaient avec la mélodie qui nous donnait l'impression parfois de voyager dans d'autres cultures qui étaient aussi la nôtre, mais à une autre époque. Il y avait vraiment quelque chose d'intéressant vu que c'était fait dans le musée. Et puis, quand on parlait tout à l'heure de plus festif ou plus sérieux, il y avait une installation participative qui s'appelle « À l'être de transition », qui était un micro ouvert. Donc, il y avait des chaises en rond avec une caméra braquée qui était sur la personne qui était assise, qui était un peu interrogée par deux filles qui étaient dans un écran, donc pas dans la même salle. Il y avait un écran avec les femmes, puis ils posaient des questions, puis il y avait vraiment une discussion là, de groupe avec... avec le micro, on s'entend, on se comprend. Donc, c'est des questions style « Comment voyez-vous l'humanité? Positif ou négatif? » Tu sais, il y avait vraiment des discussions très profondes entre les deux femmes qui étaient dans l'écran puis la personne qui voulait se prêter au jeu. Puis, assez cocasse parce que quand il n'y avait pas personne au micro, on se le fait dire. Là. Ah ouais? Puis, okay, ils nous voyaient parce qu'il y a une caméra. Ben oui, en fait, c'est parce qu'il y a une caméra qui nous voit. Puis j'avais pas envie de parler. J'avais juste le goût d'écouter. Tu sais, des fois, il y a du monde qui écoute, d'autres qui parlent. Là. Pour une fois, j'avais le goût d'écouter. Puis, il me disait, ben là, les choses changeront pas si vous participez pas. Ah, ouais, bon. On se le faisait dire. Fait que c'est assez drôle. J'ai très ri. Ensuite de ça, dans les anciennes cellules de prison, les petites cellules, il y avait des enquêtes sur des objets perdus ou des personnes disparues. Fait qu'il y avait vraiment un lien avec la cellule puis avec le projet aussi. Avec les policiers, on cherchait la personne qui avait disparu, puis on changeait de salle, puis il y avait de plus en plus d'indices à savoir qu'est-ce qui s'était passé avec cette personne-là. Il y avait des sculptures cinétiques qui se déclenchent une après l'autre, que le son qui est engendré par le mouvement est projeté, on pouvait entendre le son de la sculpture cinétique. Il y avait des salles remplies de photos Polaroid, de portraits de personnes qui sont prises sur le vif, en train d'écouter une création sonore, puis à l'arrière de la photo de Polaroid, on pouvait... Des citations d'eux qui décrivaient ce qu'ils entendaient. C'est comme si ils disaient « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que t'entends? » Là, il y avait un enfant qui disait quelque chose. « Ah, la musique, c'est de la musique, ou c'est un son, ou c'est des baleines. » Après ça, il y avait un enseignant, un père, un ami, peu importe. On lisait, puis c'était super amusant de les lire un après l'autre. Puis dans la salle, on se rend compte après que c'est le son qu'on entend qu'eux décrivent, puis on se fait nous-mêmes prendre au jeu par ce jeu-là. Mon préféré, je me lance tout de suite, ça s'appelle « Nous, les méchants, écriture », c'est de l'écriture et de la performance, des étudiants en écriture dramatique. Il y a plusieurs postes dans lesquels on devait choisir notre méchant. Donc, chaque personne faisait la lecture. On choisissait d'après les photos qu'ils nous donnaient comme choix. Il y avait des photos de Fidel Castro, Guy Turcotte, Stephen Harper, Rocco Magnotta. Et puis, on se lançait complètement avec... On écoutait, on disait « OK, moi, je veux Rocco Magnotta. » Puis, en plein milieu, de la, même si on arrivait en plein milieu de la lecture, il y avait des indices, on essayait de trouver de qui on parlait. Puis, c'est des textes vraiment comme avec Magnotta qu'on s'imaginait même pas. On s'imagine la superstar meurtrière. Finalement, le texte, c'était quasiment une lettre d'amour à sa victime. Ouais. Comme il était présenté vulnérable. Et il était, c'est vraiment touchant. J'ai vraiment adoré. Donc... T'aurais beaucoup à dire encore à nous, ben, quand je suis convaincue. C'est parce que là, je les décrirais un après l'autre, là, un après l'autre. Le gros défaut, là, que j'ai trouvé, là, c'est qu'il y a tellement de choses, on arrivait, puis le trois quarts du temps, on arrivait à un poste, puis on était soit à l'entraque, soit entre les deux. Mais même il, comme s'il manquait un peu de coordination pour les temps ou tout ça, ben, pour le parcours. Il y avait tellement de choses. Ouais, il y avait tellement de choses, donc c'est ça. Mais si je peux me permettre, au Musée national, je ne l'ai pas vu, mais Les Incomplètes, absolument à ne pas manquer tant qu'à parler du musée. En fait, Les Incomplètes, c'est une compagnie de recherche et de création théâtrale fondée par Audrey Marchand, Laurence Pélafaille et leur collaboratrice Josanne Bernier. Leur démarche est fondée sur la narrativité, sur l'image et le sensoriel. Et puis, c'est des spectacles pour les très jeunes. Et puis, dans l'exposition, on voit vraiment des photos de leurs projets en théâtre, et puis vraiment, y aller avec vos tout-petits, les tout-petits s'amusent parce qu'il y a vraiment des objets très sensoriels, le tapis fait en fausse pelouse avec des images, et puis bon, mais c'est surtout leur travail théâtral qui est intéressant pour Les Incomplètes au musée. Puis je pense que l'exposition, elle se prolonge. Jusqu'au 14. Quand même. Oui, à voir absolument. Voilà. Ben, Anouk Desloge, merci beaucoup. Merci beaucoup. On s'en va en pause, on écoute Menahan. On vient d'entendre un extrait de l'album Trun Dust de Don Trust, une suggestion de Simon Roy. Et pour cette dernière partie d'émission, nous accueillons Valérie Blas, qui est en résidence présentement à la Chambre Blanche, où elle travaille sur le manipulateur manipulé. Bonjour Valérie. Bonjour. Le travail sur lequel que vous faites en ce moment à la Chambre Blanche s'inscrit dans une période de recherche et de création qui s'étend sur un an. À quoi elle est dédiée, cette recherche-là? Je travaille avec le statistique un peu, c'est une drôle d'idée, mais je pars toujours de drôles d'idées, de la marionnette, en fait. Mais je pense plus à, c'est comme quand tu vois des spectacles de musique de marionnettes contemporaines, j'aime bien l'idée comme que tu vois les manipulateurs, mais ils sont habillés en noir puis sont faits comme pour pas être vus. C'est un peu des jeux comme ça sur en fait aussi en fait c'est de détourner le regard sur ce qui est normalement secondaire dans la lecture de d'un objet. Puis c'est aussi une stratégie pour avoir différents esthétiques dans la même sculpture, c'est-à-dire comme par exemple là, je travaille sur une sculpture abstraite qui est manipulée par un corps humain, puis qui manipule aussi un autre objet, qui lui aussi est comme un truc, un personnage, mais dans un autre langage. Puis c'est comme un truc tout mécanique. C'est comme, j'aime le côté aussi mécanique des corps. C'est souvent dans mon travail. Ça a commencé avec, quand j'ai commencé par faire une sculpture que j'ai fait qui s'appelle Cargo Cult, qui était, j'avais moulé des mains qui manipulent des objets. Et puis, en fait, il était carrément coupé, seulement les mains coupées. Mais c'était sur une structure comme, je pense que c'était un objet que j'avais trouvé qui sert à la chimie. Donc, ça faisait comme une forme abstraite, mais avec des mains. Alors, c'est comme, ça donne un côté vraiment étrange parce que continuité, discontinuité du corps, c'est-à-dire que il y a des parties qui sont comme absentes, mais remplacées par d'autres choses. Un peu aussi comme quand tu regardes dans les musées les artefacts et puis que tu vois des morceaux de corps qui sont reconstitués, mais alors là, ils construisent des structures pour placer les parties, mettons, de la sculpture initiale dans la bonne position, puis c'est l'imagination qui reconstitue un peu... le reste qui est invisible, en fait. Alors, c'est tout un travail là-dessus, sur visible, non-invisible, aussi comme la structure qui devient elle-même, tu peux faire passer une sculpture abstraite, jouer avec des jeux comme ça, là. Donc, on révèle un peu comme les moyens ou les structures sous-jacentes, là. Oui, c'est comme, en fait, c'est comme... Oui, c'est ça. Mais je trouve aussi assez drôle, comme un peu... Ben, je m'inspire de plusieurs esthétiques, mais par exemple, une image, une autre sculpture que j'avais fait qui était aussi avec des mains, mais c'était des mains maquillées. En réalité, c'était pas maquillée, c'était peinte, mais ça faisait penser dans des livres d'enfants. Des mains qui sont maquillées comme des animaux, mais de façon assez réaliste. Ça crée aussi un peu une anamorphose. Ben, c'est comme Mains, mais en fait, il n'y a pas juste ça dans mon travail, là, mais... Mais il y en a fait, beaucoup, quand même, des mains, hein? Ben, là, ça fait 3e sculpture que je fais avec des mains. Je trouve ça intéressant. Pourquoi, parce que je collectionne beaucoup d'objets, et puis aussi, ce que j'aime... Quand j'ai commencé à faire ce type de sculpture-là, c'est parce que je pensais à des actions, un peu comme faire des sculptures qui font penser à la bande dessinée, mais pas dans le rendu bande dessinée, comme c'est des personnages avec des mains à trois doigts gonflées, là, mais plus dans l'idée d'action, un peu comme je pensais à, comment il s'appelle, Roadrunner, là, il y a comme le coyote, construit toutes sortes d'objets un peu pour attraper Roadrunner, ben, c'est des objets qu'il construit sont assez drôles, là. Alors, je me disais, ça pourrait être le fun. Les sculptures, déjà, ça ressemble à des sculptures d'art contemporain, par le côté comme un peu Arte Povera. Mais ce qui est fun, c'est qu'il y a comme une action. Comme quand une main tient un couteau, bon, il y a comme une intention qui est vraiment forte et un peu caricaturale. C'est le gestuel-là qui m'intéresse aussi, là, le côté que c'est travailler en sculpture l'idée d'action, quelque chose comme quand tu vois une bombe sur un patin à roulettes avec un élastique, je sais pas, un système, tu vois que, OK, si tu tires j'enlève le bâton, le patin à roulettes part et la bombe va exploser, ben, il y a comme un peu ce côté... Comme s'il y avait une narration un peu sous-entendue. Ouais, il y a une narration, mais elle n'est pas là, en fait. C'est juste un détournement, dans le fond, parce que c'est juste une sculpture qui est inanimée, puis c'est juste des prétextes, en fait, pour trouver des nouvelles idées ou des nouvelles formes aussi, là. Puis au final, c'est une bombe avec un patin et quelque chose, là, dans le sens où, tu sais, j'ai lu sur vous et vous disiez que vous aimez bien dérouter, donner des fausses pistes d'interprétation, puis jouer un peu avec le spectateur. Oui, c'est ça, c'est ça. Ben, ce qui est intéressant dans une pièce, c'est quand tu peux la regarder comme longtemps, puis c'est-à-dire qu'il n'y a pas comme juste... Il y a aussi, dans mon travail, dans le mode de production de mes pièces, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes. C'est comme si j'organisais des systèmes pour faire des objets qui me surprennent moi-même, mais aussi quand tu regardes mes pièces, surtout les gens qui connaissent la sculpture, comme mes amis sculpteurs, c'est comme, ils se demandent, comment t'as fait pour que les lignes continuent? Et tu sais, il y a comme un jeu aussi comme ça. Alors, c'est comme intéressant de, en multipliant les actions sur un objet, ben j'arrive à, j'espère, à faire des objets qui sont comme difficiles à cerner, puis... Qui s'éloignent à l'aide de leur fonction première, là. Ouais, puis que tu peux... fait que tu peux les regarder longtemps sans trop t'ennuyer. Dans votre travail, je ne sais pas si ça va être le cas, parce que là, jeudi, en fait, en 5 à 7, je pense qu'on peut voir un peu ce que vous avez produit à la Chambre Blanche. Mm-hmm. Vous faites appel à vraiment un large éventail des techniques, en fait, de la sculpture, le moulage, la fonte, l'assemblage, et j'en passe. Souvent aussi, quand on parle de votre travail, on parle de bricolage. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, bricolage, oui, parce que dans le côté assemblage, parce que souvent, je trouve, je fais je travaille l'esthétique du collage, mais en fait, souvent, comme par exemple, si tu fais du collage avec des images 2D, ben, c'est facile d'agrandir une image, puis, tu sais, d'en rapetisser une autre pour que ça fonctionne ensemble, ou prendre une image puis l'agrandir, ou je sais pas. Oui, il y a aussi beaucoup, beaucoup d'images de différentes grandeurs. Alors, tu peux faire un très grand collage. Tandis qu'une sculpture, c'est comme... T'es assez contraint dans les formats. C'est des petits bibelots que je trouve, des objets intéressants. Souvent, c'est difficile de trouver comme... Le format bon idéal. Format, c'est toujours assez petit. Alors, souvent, ce que je fais, c'est que je vais faire un collage d'objets que trouver tel quel, puis après je peux même le recopier puis le faire en gros. Mais l'idée, le collage sert à ajuster deux... Ben, c'est un peu la même démarche que les surréalistes à l'époque. Oui, c'est ça, parce qu'il y a un côté justement très... Quelque chose qui me surprend moi-même en ajustant deux choses ou trois choses ensemble qui, à prime abord... Et où on cherche pas nécessairement à construire un sens réfléchi, là. Un sens réfléchi. Mais non, mais dans le sens où il y a pas... C'est vrai, c'est un peu étrange comme formulation, mais où on cherche pas à donner une intention, une signification nécessairement claire. Le côté claire, symbolique de l'art, moi, ça m'ennuie. Ça m'intéresse. Ben, pour moi, là, moi, je travaille jamais... qu'est-ce que ça veut dire, ou je sais pas, tu sais, c'est pas, je trouve pas ça intéressant. On reste en fait plus dans l'expérimentation. Ben, c'est comme un mélange de plusieurs choses. C'est assez formaliste parce que, dans le fond, je travaille beaucoup la matière, les matériaux, j'ai plusieurs sculptures abstraites. Puis j'ai des références à l'art formaliste des années 20-30, que j'aime beaucoup. Oui, vous référez à une... c'est en même temps surréaliste, mais en même temps... mais c'est rarement symbolique. Voilà. Ben Valérie Blas, c'est pas mal tout le temps qu'on a. OK. Jeudi, 5 à 7 à la Chambre Blanche, donc on peut voir ben, y a une pas partie de choses. Une partie de votre travail qui sèche là. Ça fait 3 semaines que je suis arrivée. OK. Mais au moins, on aura quand même une idée. Ben, vous pourriez venir me voir, me rencontrer, puis voir mon, j'ai des livres pour montrer mon travail, puis un peu des dessins, puis 2-3 petites sculptures. Donc, on va se familiariser avec votre travail, votre démarche, et vous, okay, par le fait même. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, on s'en va en pause, on écoute Sound. Oh. Voilà, c'était un dernier extrait, c'était Sound de Don't Trust, une suggestion de Simon Roy. Avant de terminer l'émission, bien entendu, je vous invite à différents événements. On a parlé du 5 à 7 de la résidence de Valérie Blas jeudi à la Chambre Blanche. Également, jeudi, il y a plusieurs choses. Le lancement du livre Sillage de Charles F. Ouellet, lancement et vernissage aussi de son exposition à la galerie La Certe, donc c'est à 17h. Également, le 11 avril, bien entendu, à 17h, vous savez, en art visuel, il faut souvent avoir le don d'ubiquité. Il y a le vernissage de l'exposition Unspeakable Truth de Sarah Hill qui est présentée au lieu. Ensuite, voyons où j'en étais. Oui, vendredi 12 avril, le vernissage de l'exposition Noces de papier à Engram, en fait, qui célèbre les 40 ans du Centre d'artistes. Au départ, c'était l'atelier de réalisation graphique. Aujourd'hui, c'est Engram. Donc, vendredi 12 avril, dès 17h, également, samedi 13 avril, il y a un atelier d'art audio et électronique où vous pouvez vous joindre à l'équipe de Royal Panache, le temps d'un atelier de création collectif en art audio et électronique. C'est au studio d'Avatar à 10h. Sur ces invitations, je vous remercie. Je vous souhaite une très belle soirée. Et en même temps, je remercie Jacques Gignac pour son travail à la mise en onde. Je vous laisse, comme à l'habitude, entre les très bonnes mains de Gilles Chaumel avec son émission Folk d'Amérique.